Chapitre 6. Pepa Ramos ne revint jamais à Toboadongo. Pendant plus de 2 ans, Reyes s'obstina sans conserver le moindre espoir à visiter les uns après les autres tous les Incas et Patagonians qui mouillaient dans l'affligeante rade. Il harassa de questions le personnel de chacun de ses paquebots, devint un objet de crainte pour les purs sœurs commissaires et transforma la plupart des mayordomos en bêtes fauves acharnées à sa perte. Ils droguèrent son vin, fourbirent ses fourchettes avec de la coloquinte, délayèrent du cirage dans son café, mais il tint bon, jusqu'au jour où, ayant rencontré à bord de l'Araguajo son ancien ami la Chola Rosa en Huéracocha, il parvint à l'emmener à terre en lui promettant des colliers de piastres. Il crut se consoler avec elle pendant 3 mois, au cours desquels la fille de la vallée amazonienne vida ses armoires, l'injuria, le battit, se grisa en compagnie du péon et scarifia de coups de griffe le visage tanné de la bonne indienne en des luttes journalières. Elle finit par s'enfuir avec un mercanti chinois et plusieurs sacs de butin. Benigno, un instant comme soulagé et alangui par une mélancolie calmement désespérée, fut, bientôt après son départ, tourmenté de nouveau par le souvenir de Pepa, qui s'était, pendant les 12 semaines, pour ainsi dire, endormie en lui. Il songea encore à réaliser tout ce qu'il possédait et à s'en aller très loin, peut-être à Tenerife. Mais au bout de quelques jours de réflexion, ce projet s'évanouit pour ne plus reprendre forme. Il était certain de ne pas retrouver sa querida aux Canaries. Elle avait manifesté avec netteté son intention de se soustraire à jamais aux commentaires de ses bienveillants compatriotes et, sans Pepa, Tenerife ne serait plus qu'une sorte de cimetière de ses rêves. Ses parents étaient morts à présent dans la jolie finca dont tout gamin il avait souhaité la possession et qu'il venait de faire acheter pour eux. Que deviendrait-il seul, sous l'ombrage, comme endeuillé des figuiers et des tamaris, à la musique monotone des rivulets dans les bassins, perdu dans les hauteurs, entre la tache bleue lointaine de l'océan miroitant tristement sous un lacis de branches et les cimes brunes qui vont rejoindre le massif du pic. Il ne fréquenterait jamais des gens qui pouvaient, un jour ou l'autre, sans méchanceté, par simple désœuvrement, par pénurie d'idées à exprimer, lui raconter sur Pepa telle anecdote que le lent et presque inconscient travail de 2 générations de narrateurs aurait enjolivé de précieuses malpropretés. Or Benigno, comme beaucoup de bons esprits, de la bonne moyenne, vite fatigué de passer en revue leurs propres pensées, judicieuses sans doute, mais plus remarquables par leur qualité que par leur quantité, avait horreur de la solitude. Il remit donc son rapatriement aux calendes grecques, se disant que plus tard, à une époque où son chagrin serait usé par la durée, il se ferait peut-être que, la vieillesse menaçant, un affaiblissement de ses facultés intellectuelles, qui savait, pourquoi pas, un dougatisme, l'amènerait à vouloir terminer son existence dans le décor où s'était écoulée sa vie d'enfant, à souhaiter de reprendre tout, en quelque sorte, au point de départ, avant les ennuis, la déception, les douleurs. Et alors, il aurait encore des paquebots pour le retransporter chez lui. En attendant, il était sans doute préférable de tenter un nouvel avatar. Il y songea des semaines et des mois, et se vit successivement, dans un laborieux effort d'imagination, marchand de l'art à Chicago, squatter en Australie, colon à Bornéo, approvisionneur de navires en Nouvelle-Guinée, époux acquéreur d'une princesse polynésienne pourvue d'un royaume de quelques 1000 carrés. Cette dernière vision aimanta de nouveau sa pensée vers la fausse héritière des Incas, toujours disponible malgré les cavernes pleines d'or, les mines de rubis, de saphir, d'émeraude et de diamants roses que lui prêtait l'inépuisable et facile générosité toboadonguaise. Il n'y avait pas à dire. Les parents jetaient un froid. Et Benigno reparut dans le salon vers bouteille sans que la petite idole s'en aperçût de façon bien positive. Mais Don Prudencio et Doña Primitiva n'avaient pas facilement pris leur parti de la désertion d'un gendre présomptif aussi enviable et ne s'étaient lassés de le harceler d'attentions gracieuses que le jour où Benigno avait nettement sonné le chef de la brune communauté d'aller se faire trembloter ailleurs les vastes et agaçantes ailes de son inamovible chapeau de ripirapa. Ils accueillirent son retour en pleurant, et leurs larmes ne leur coûtèrent qu'un effort des moins méritoires. Reyes devint la consciente et résolue victime de leur manœuvre matrimoniale. Il en inventa même à leur profit, et tomba de l'air le plus innocent que l'on pût rêver dans des panneaux qu'il avait machinés presque tout seul. C'est eux qui l'épousèrent, bien plus que Soledad, parfaitement dédaigneuse des conventions sociales et aussi émue par son propre mariage que par la mort d'un chat de Perse ou l'ascension de Cayetano Borracho, tout beauté, au trône de Chamuhualcapa. Le lendemain de ces noces trop paisibles, le tinerfeño savait, à ne pouvoir s'y méprendre, qu'il avait lié sa vie à l'existence purement mécanique d'une sorte de joli automate, dont il ne possédait même pas la clé. Jamais Soledad ne le contraria. Jamais elle ne lui fit mauvaise figure. Ne parlant guère qu'à ses parents, et encore. Jamais elle ne lui exprima, directement du moins, ni un souhait personnel, ni une velléité d'opposition. Elle se contentait de le subir avec une exaspérante bonne volonté ennuyée. Elle ne compta bientôt plus pour lui. En revanche, comme Benigno était devenu à peu près indifférent à tout ce qui pouvait lui arriver après les lamentables dénouements de ces trois histoires d'amour, il tomba sous la coupe de Doña Primitiva, qui finit par craindre et par aimer comme même les chiens battus, parce qu'elle ne le maltraitait pas toujours. Elle se substitua résolument à sa femme, pas en tout, par bonheur. Bien que les toboadongués, ces mauvaises langues, et lui fit connaître, en même temps que les raffinées persécutions de la belle-mère, les sauvages et perpétuels ululements de l'épouse incomprise, réclamatrice, méfiante, odieuse de brutale jalousie. Dame, puisque Soledad ne voulait pas se défendre et qu'il fallait la protéger malgré elle, cette consciencieuse mégère le bouscula, l'ahurit, lui imposa des habitudes, le nourrit à sa guise, d'après des systèmes aymaras et quichuas, rogna sur son argent de poche, le vêtit selon son goût à elle, le transformant en caricature, en passif et désolé, et reconnaissant chien savant qui faisait le beau pour qu'on le laissât dormir après. Don Prudencio, dont le mutisme devenait presque jovial maintenant qu'il accumulait ses revenus sans en distraire un quarto, 3 centimes, et réalisait même une économie chaque fois qu'il fumait un cigare dit de luxe, ou s'assimilait une copita, petit verre, d'un vitriol supérieur, dispensait à toute la maisonnée l'éblouissant sourire indien plein de signification profonde. Son ripirapa finissait par ressembler à l'auréole d'un sang tropical très laid et un peu canaille, mais joyeux en dedans. Il y eut sur la côte de Tarapacá une famille exemplaire.